Bonjour à tous, on espère que vous passez une belle journée à l'écoute des programmes de Radioactive et c'est l'heure de retrouver la deuxième édition de la chronique Autoconso, une chronique dédiée aux énergies renouvelables, à la rénovation et à toutes les solutions concrètes pour mieux consommer et moins subir sa facture. Dans la toute première chronique, on avait parlé solaire et plus précisément panneaux photovoltaïques. On a aussi évoqué les heures creuses avec une question d'auditeur et bien entendu on s'était intéressé à l'entreprise Triangle Autoconso puisque vous l'aurez compris, ce sont eux nos experts référents sur ces questions. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin avec plusieurs sujets concrets, on va parler notamment d'une question d'actualité autour de l'électricité et des tarifs. Et puis on va également avoir la question d'un auditeur sur la rénovation énergétique quand on vit dans une maison mal isolée. Pour en parler toujours avec nous, Teddy, responsable commercial, et Julien, chargé d'affaires chez Triangle Autoconso. Bonjour les garçons. Bonjour, bonjour Marlène. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec un invité, c'est Stéphane Navarre, Stéphane de l'entreprise AGB Rénovation. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors donc, on l'a expliqué plusieurs parties à cette émission. On va commencer par la fin des tarifs réglementés par l'ARENH. Donc c'est un sujet un petit peu technique, mais qui a des conséquences très concrètes sur la facture d'électricité. Donc, beaucoup de gens entendent ce terme sans vraiment savoir ce que ça change pour eux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Alors oui, c'est simple. En fait, l'ARENH, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. C'est une loi qui date de 2010. Et c'était un système qui permettait aux fournisseurs d'électricité d'acheter une partie de l'électricité nucléaire à EDF, qui est aussi bien producteur que fournisseur d'électricité, à un prix fixé à l'avance. L'objectif de ça, c'était de favoriser la concurrence et d'éviter que tout le prix ne dépende du marché et donc uniquement d'EDF. C'est un peu le même parallèle avec la SNCF. Et donc ça a permis, c'était sur une durée de 15 ans, et ça a permis l'ouverture à la concurrence. Et ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a 32% des foyers français qui ne sont plus chez EDF, mais chez un fournisseur alternatif, Direct Energy, Total Energy, Engie, autre que EDF. Ouais. Donc qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors, l'ARENH s'arrête du coup au 31 décembre. À partir de 2026, du coup, effectivement, ça va commencer à changer. Le tarif de l'électricité risque donc d'être directement lié au tarif de production, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à maintenant. Et du coup, on risque finalement de payer plus cher et de rendre les prix du marché un petit peu plus volatiles. Voilà, on va plus être sur des prix aussi fixes qu'avant, aussi stables qu'avant, donc il va falloir réagir en conséquence. Alors vous qui êtes sur le terrain, là je m'adresse à tous les trois, est-ce que vous sentez qu'il y a une inquiétude de la part des consommateurs justement par rapport à ce changement ? Est-ce qu'ils sont bien informés d'ailleurs ? Les gens manquent d'informations de ce qu'on constate sur le terrain. Après, Stéphane nous dira si c'est la même chose pour lui, mais nous, on se rend bien compte que on a eu beaucoup d'augmentation d'électricité. On a une grosse prise de conscience durant les trois dernières années parce que les prix de l'électricité sont envolés. On l'a vu chez nos clients. Hein. Alors, on a de légères diminutions dernièrement, mais l'électricité, c'est devenu un poste de dépense. Alors que ça soit aussi bien électricité, gaz, on peut parler plus globalement pour tous les modes de chauffage qui sont relativement importants dans le budget d'un ménage. Après vous, Stéphane, de votre côté, vous avez dû le remarquer aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Les gens, c'est un peu opaque par rapport aux tarifs, justement. On a quand même des interrogations, ils ont des interrogations, ce qui fait qu'ils viennent beaucoup vers d'abord de monter en lettres au niveau des PE pour essayer de faire des économies d'énergie. Mais au fil du temps, on n'a pas vraiment les tarifs officiels de ces gens-là, donc c'est difficile à voir, en fait. Et c'est vrai qu'on, nous, dans le photovoltaïque, on est amené, par exemple, à regarder les factures de nos clients sur les 10 dernières années. Mmh. On peut regarder et on se rend vraiment compte que quand on ressort les factures, les gens nous disent « Mais attendez, je payais pas ce prix-là avant, ouais. C'est pas possible. » Mmh. Comme c'est des petites augmentations au fil des années, on s'en rend moins compte. Hein. C'est indolore. Assez opaque dans les taxes, dans tout ce qui vient au fur et à mesure, quoi, en fait. Oui, bah c'est ça, oui, c'est au fur et à mesure, mais n'empêche que ça augmente. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, ben en fait, les gens aujourd'hui s'interrogent, puisque finalement, l'ARENH, on savait pas trop ce que c'était avant. C'est pour ça aussi qu'on parle de volatilité des prix, parce que, en fait, on n'a pas une augmentation ferme d'un certain pourcentage. On ne sait pas exactement quel va être l'impact précis de cet arrêt. Donc, il faudra voir dans le temps, voir comment EDF va réagir, et aussi les fournisseurs autres, tout ce qui est Octopus, etc. Savoir comment ils vont appliquer leurs tarifs. Une petite question, l'ARE en fait, parce que nous on n'est pas spécialiste, c'est vous l'électricité. L'ARE peut être bon pour les consommateurs ou c'est le contraire en fait? Alors, la nature de l'impact n'est pas connue. On a deux sons de cloche. Le premier du gouvernement qui nous explique que les prix de l'électricité ne vont pas augmenter en 2026 et en 2027. Et le second, c'est une étude de l'UFC Que Choisir qui expliquait que les tarifs potentiellement de l'électricité suite à l'arrêt de l'ARENH vont augmenter d'environ 19% sur l'année 2026. Donc, 19%. Il y a plusieurs sons de cloche. On parle justement de volatilité. Donc les prix, on va plus acheter à un prix fixe déterminé à l'avance. Il y a des quotas, mais on va acheter à un prix de marché. Donc c'est toujours une question d'offres, de demandes, voilà, c'est difficilement prévisible. En tout cas, ça doit quand même encourager les particuliers, les professionnels, à toujours se pencher en amont avant que ça arrive, hein, sur leurs factures d'électricité, leurs factures de gaz, leurs factures de chauffage, parce que l'anticipation, c'est aussi le meilleur moyen de se prévenir contre ces hausses d'électricité. Donc, on en a parlé la dernière fois en installant, par exemple, des panneaux photovoltaïques, en isolant sa maison, on en parlera dans le sujet tout à l'heure. Voilà, c'est un peu l'idée et l'information qu'on souhaitait passer aujourd'hui. Très bien. C'était la question justement que j'allais poser. Effectivement, si les consommateurs vont réfléchir à de l'autoconsommation, à de la rénovation énergétique, vous êtes tous les trois d'accord sur cet aspect-là? Alors, c'était déjà un petit peu le cas avant, puisqu'il y a eu des grosses augmentations du prix de l'énergie globale, hein, gaz, électricité. Aujourd'hui, étant un petit peu dans l'incertitude de cette quantité d'augmentation, il va falloir être prévoyant sur son mode de consommation, ses modes de chauffage, la manière dont on va isoler sa maison et évidemment la rénover. Est-ce que ça va pas même presque devenir une nécessité? C'est déjà le cas quand on voit aujourd'hui ce que représentent les coûts, comme on le disait, de chauffage, d'électricité. On y fait tous attention, beaucoup plus qu'il y a plusieurs années. Mmh. Et en fait, l'enjeu en 2026, encore plus qu'avant, et c'est aussi pour ça que cette émission, elle est faite pour faire connaître des professionnels de tout secteur d'activité lié à l'amélioration de l'habitat, mais des vrais professionnels. Et c'est de comprendre sa consommation. C'est le travail qu'on fait avec nos clients, que ce soit aussi bien Stéphane chez AGB Rénovation ou nous chez Triangle Autoconso. Comment aussi réduire les gaspillages? Parce qu'on parle beaucoup d'isoler, de mettre des panneaux photovoltaïques, mais l'idée, c'est dans un premier temps de faire attention. Hein. Il y a des gestes simples. Oui. Voilà, on va le voir d'ailleurs avec une question d'auditeur. Exactement. Et après, voilà, ça passe par l'isolation. Il y a un ordre pour faire les choses. Et dans la question de l'auditeur, justement, on pourra aborder un peu plus ces sujets-là. Ça fait une bonne transition. Eh ben absolument. Une très belle transition aussi pour la pause musicale qui nous attend avec Genesis, I Can Dance. On se retrouve tout de suite après pour en parler, si vous le voulez bien. Super. Checking everything is Genesis, I Can Dance sur Radioactive. Vous êtes dans la chronique Autoconso. Et si vous posez des questions sur la rénovation énergétique, eh bien on rappelle que vous pouvez les poser, vos questions justement, à nos experts sur les réseaux de Radioactive. Et c'est justement le cas, je crois, de Jordan de Montlouis-sur-Loire qui, justement, avait une question. Teddy, est-ce que tu peux nous faire part de ce questionnement d'auditeur ? Alors oui, donc Jordan nous a écrit pour nous dire qu'il avait une maison mal isolée et il voulait savoir par où commencer. Il est un peu perdu au niveau de sa rénovation et est-ce qu'il existe des aides pour l'accompagner, vers quelle entreprise se tourner ? Vaste question. Exactement, vaste question, mais c'est la question que beaucoup de personnes se posent, alors soit des personnes qui envisagent de rénover leur maison, soit des personnes qui viennent de l'acheter. Et justement, Julien, quand on achète sa maison, on a un moyen déjà d'avoir un petit aperçu des travaux à réaliser, d'où on se situe, comment on peut le voir ? Bah, en fait, sur chaque achat d'une maison, on a aujourd'hui ce qu'on appelle un DPE. Donc c'est un diagnostic énergétique qui nous permet de savoir un petit peu où notre maison se place, notamment grâce à une lettre qui va aller de A jusqu'à F. F, ouais. Ah oui. Il y a eu pire, je crois, mais... Jusqu'à G, ouais, c'est ça, hein, c'est ce qui me semblait. Ouais. Et que l'on peut, du coup, améliorer par certains gestes de rénovation, soit unique, soit global, selon un petit peu la lettre qu'on a au départ sur ce fameux DPE. Donc, voilà, on a plusieurs pôles, potentiellement. La toiture, les combles, par lesquels on peut perdre environ jusqu'à 30% d'énergie, les murs également, et puis ensuite tout ce qui va être ventilation, fenêtres, et bien sûr on va finir par potentiellement les planchers, même si parfois on les fait même un peu avant quand il faut tout refaire. Ouais, tout à fait. Donc voilà, la chaleur, elle peut partir un peu de partout dans une maison. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous aider à savoir comment faire, comment procéder pour pouvoir effectuer une rénovation globale. Donc le DPE, c'est un petit peu le Nutri-Score finalement de sa maison, c'est dans ça. L'idée. Justement, par quoi il faut commencer ? La toiture, les murs, fenêtres, chauffage, par quoi on démarre ? Idéalement par l'isolation des combles, c'est souvent ce qui est préconisé, mais ça dépend aussi de l'état général de la maison. Donc isolation des combles, isolation des murs, déjà ça peut nous faire une économie de 45% d'énergie. Quoi. Ça va assez vite après, comme le disait Julien, ça dépend vraiment d'où on se situe à la base, parce que sur une maison où l'isolation était refaite il y a 5 ans, et ben on va directement passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, on a des choses qui ont été mises en place par le gouvernement qui sont très très bien, avec notamment MaPrimeRénov, les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie pour encourager à l'amélioration énergétique de sa maison. Et en fait, comment ça se passe ? N'importe quel particulier, propriétaire de sa maison, peut aller sur le site de france-renov.gouv.fr. Alors, faut bien faire attention, parce que souvent, quand vous cherchez France Rénov, les 5 premiers sites, c'est de la pub. Et on vous envoie surtout vers des arnaques ou des gens qui veulent... Ça aide pas, effectivement. Vous prendre votre argent de manière pas très honnête. Et l'idée, c'est que quand on va sur ce site, on peut estimer les aides, on peut déjà avoir beaucoup d'informations et demander un accompagnement par un accompagnateur Rénov. Ça, c'est gratuit. Et lui, c'est le coach travaux. Exactement, c'est le coach travaux. Il a des habilitations, il n'est pas lié à une entreprise, donc ça permet d'avoir un point de vue relativement neutre. Ouais, c'est un référent, exactement. Stéphane a l'habitude de travailler avec les accompagnateurs Rénov, et lui, en fait, son rôle, c'est de faire le point sur la maison, aider à choisir les bons travaux, quel sera l'ordre aussi de ces travaux, et aider au montage administratif et sécuriser les aides. Et une fois qu'il a fait ce travail-là, eh bien après, c'est aux entreprises, comme la vôtre, Stéphane, d'intervenir pour réaliser les travaux. La prime Rénov, dont on, évidemment, qui est un dispositif relativement connu, il a été en péril à un moment donné, je crois. Plusieurs fois. Plusieurs fois, ouais. Là, c'est bon, on peut compter dessus. c'est en train de passer, à l'heure où on le parle, ils l'ont passé en 49.3 hier, mais le temps que ça se mette en place, pour l'instant, c'est en attente. Quoi, en d'accord. Fait, mais... Sachant que l'émission aura un petit mois de décalage, ouais, donc potentiellement, il y a un mois. Quoi. Okay. Donc c'est toujours, ils ont dit qu'ils allaient le continuer, etc., mais bon, on sait pas. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'incertitude de savoir jusqu'à combien on va pouvoir être aidé? Non, parce que je pense qu'ils vont rester sur les mêmes bases que l'année dernière. L'isolation par l'extérieur, c'était déjà prévu dans le texte au 31-12-2025 en monogeste s'arrêter. Donc on pouvait le faire tout seul avec une aide de MaPrimeRénov. Là, ce n'est plus le cas au 1er janvier 2026. C'est surtout pour la réno globale où là, ils avaient suspendu les guichets. Je pense qu'ils vont vouloir ouvrir quand l'émission passera. Ça sera des bonnes nouvelles, j'espère, et ça sera ouvert. Mais ça en est là aujourd'hui. Pareil, hors antenne, tout à l'heure, Teddy, on évoquait la déperdition de chaleur dans une maison. On entend beaucoup d'infos erronées, que ce soit sur les réseaux, les émissions de télé. On entend beaucoup de choses qui sont absolument pas vraies. Oui, c'est vrai que malheureusement, on en entend beaucoup aussi parce que c'est du cas par cas sur deux maisons des mêmes années où il y a eu des matériaux différents de construction et des rénovations différentes. On a un profil qui est complètement différent. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer à son DPE. C'est ce que disait Julien, c'est un peu la bible de sa maison. Et ça va nous permettre de nous resituer. Il y a énormément d'informations dedans. On a les infos aussi bien sur combien je perds en énergie paroi par paroi. Donc c'est simple et lisible. Et il y a aussi déjà les premiers conseils, hein. Donc tiens, en rénovant les combles, en rénovant les murs, vous allez gagner tant d'électricité à l'année, vous allez passer sur une lettre AB, AC, AD, donc c'est déjà très explicite, et il faut vraiment se fier à ça, plutôt que à des idées ou à ce qu'on entend, parce que c'est beaucoup de généralité. Hein. Ce qu'ils disent sur les réseaux, oui, c'est vrai que... Et il ne faut pas hésiter à l'étudier aussi, ce DPE. Quand c'est on ça. L'a dans les mains, ça paraît lourd, ça paraît être voilà. un gros dossier, mais il y a quand même déjà plein de choses qui sont faciles à comprendre. Et après, il faut être accompagné par un fameux accompagnateur Rénov. Ouais. Parce que moi, si ma maison, par exemple, elle se situe sur la lettre E, par exemple, donc qui est quand même pas terrible, ouais. je vais pas savoir forcément d'où ça vient. Donc l'accompagnement, il est vraiment important ouais. pour le coup, là. Ouais, ouais. Pour okay. déchiffrer tout ça, analyser et puis prévoir les bons travaux et être bien conseillé. On a mis en place un outil sur le site internet d'AGB Rénovation, justement, où vous rentrez votre adresse. Et en fait, on a le DPE actuel de votre maison qu'on va chercher dans l'ADEME. Et après, on a un DPE projeté par rapport aux travaux qu'il faut faire pour gagner 2 lettres, 3 lettres avec les aides qui sont remises au goût du jour à chaque fois que le gouvernement change quelque chose. Mmh. Et puis, ça nous fait un peu le début de quelque chose, quoi, en fait. Mais c'est vrai que ça, c'est gratuit et ça peut permettre de... Ça veut dire qu'en allant sur votre site, moi je suis un particulier, je sais pas trop comment je me situe, si je vais sur votre site, je vais rentrer mon adresse, ça va déjà récupérer mon DPE, donc il va être interprété par un peu le logiciel. C'est ça. Et si je dis tiens, je veux changer mes fenêtres et mes murs, ça va me dire voilà, combien potentiellement je vais gagner, est-ce que je peux prétendre à certaines aides. Et dedans, il y a à peu près c'est basé sur nos tarifs. Donc ça veut dire que les tarifs rentrent, le montant des aides et du restant dû est déjà actualisé. Quoi, en fait. Oui, c'est déjà précalculé, exactement. Il y a une petite différence, mais ok. Et du coup, tu peux nous redonner le nom du site? Alors c'est www.agbrénovation37.fr. Donc c'est le conseil que vous donneriez à Jordan, notre auditeur de Montlouis-sur-Loire, pour une première action? Ouais, exactement. Et puis on dira aussi à Jordan de faire attention. Il y a des choses importantes. Il faut se méfier quand on commence à dire que c'est gratuit, c'est que le devis, oulala, faut signer aujourd'hui parce que demain ça s'arrête. Mmh. Tous les appels de mandatés par l'État. Bonjour, je suis RGE, c'est la mairie qui m'envoie. Bon, tout ça, il faut faire super attention. Et en fait, à partir du moment où on prend le temps, potentiellement déjà on fait le bon choix. Exactement. Mmh. Nous, on est transparent. Jordan, il habite à Montlouis. Il peut même passer au bureau et puis on l'accueillera autour d'un petit café. Il n'y a pas de souci. On lui dira, là. Et il faut aussi se dire assez simplement que si déjà la démarche ne vient pas de vous et qu'on vient vous démarcher, surtout de manière insistante, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Très bien. Donc, on conseille à Jordan de commencer par isoler et pourquoi pas après de penser à l'autoconsommation, parce qu'on imagine que c'est l'étape qui suivra. C'est ça, mais en fait, dans l'ordre quand même des choses, et ça ne dépend pas de la maison, c'est qu'à partir du moment où on isole, on va déjà réduire la dépense énergétique. Oui. En deux, on va adapter un mode de chauffage qui est performant, parce que si on change son mode de chauffage avant d'isoler, au moment où on va isoler, c'est il ça. Va être surdimensionné, donc un mode de chauffage qui va être trop puissant, qui va mal fonctionner, qui va être moins performant. Et une fois que tout ça s'est fait, quand on a fait toutes les économies que l'on peut faire, et l'idée c'est d'avoir un système solaire qui va permettre de réduire la facture d'électricité. Mais si on le fait dans le bon ordre, on réduit aussi les coûts. Mmh. Voilà, quand on parle de l'ordre des travaux, on parle souvent d'IVCP, donc ça va parler sûrement à certains ici. Isoler d'abord, ventiler, chauffer et produire ensuite, donc on est vraiment dans l'optimisation. Tout à fait. Ah, c'est bien, ça faudra qu'on le mette dans le podcast, ça. Ah bah oui, IVCP. Alors c'est des moyens mnémotechniques. C'est des termes un peu techniques, mais c'est un moyen mnémotechnique. Non, on peut rajouter dans la réno globale la pompe à chaleur aussi, c'est vrai que... Exactement. Ok, mais je vous propose qu'on revienne juste après une nouvelle pause en musique sur toutes les aides qui peuvent exister justement pour les auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent être un peu perdus et qui se disent « oulala, rénover, ok, j'entends, c'est une très bonne idée. Isoler, évidemment, j'en ai besoin, mais c'est que tout ça, ça coûte cher. Comment je fais, par quoi je commence et comment m'en sortir pour faire diminuer ma facture d'énergie ?» On va écouter Kim Carlson là encore un titre dansant. On va tâcher de garder nos fauteuils pendant cette pause musicale. On se retrouve tout de suite après pour la troisième partie de cette chronique Autoconso avec notre partenaire Triangle. Hollow gold, the lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. Tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home, whet her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows you. She's got Betty Davis eyes. Kim Carles, et on attaque la troisième partie de cette chronique Autoconso avec nos partenaires de Triangle Autoconso en la présence de Teddy et de Julien qui aujourd'hui ont un invité. Alors cet invité, ce n'est pas n'importe qui, Stéphane, qu'on entend depuis le début de cette chronique. Il est président d'AGB Rénovation. Alors on a aussi un petit peu envie de comprendre ce qu'est AGB. C'est oui, quoi sûr, ouais. Ça date de 10 ans cette année. 10 ans cette année, ouais. On va faire quelque chose de bien pour les 10 ans cette année. Bon, on a commencé vraiment au bas de l'échelle, on va dire. En 2016, on a créé cette société. Enfin, j'étais tout seul avec un seul technicien, en fait. On s'est mis à faire un peu de rénovation de toiture et d'isolation de combles. Et puis, petit à petit, on s'est pris au jeu. Hein, Donc, on est monté petit à petit. Aujourd'hui, on est à 45 personnes. Et j'ai recruté mon directeur général, qui est Tonio Fernandez, un ancien une grosse société de Poitiers, en fait, qui a amené un peu aussi les appels d'offres. Donc ça me permet, moi je sais faire le particulier, et lui s'occupe vraiment d'offres. Une bonne complémentarité. Voilà, exactement, tout à fait. Donc on fait tout ce qui est isolation de combles, toiture, isolation par l'extérieur, menuiserie, voilà, tout ce qui concerne un peu le second œuvre en isolation, quoi. Et comment les gens ils vous contactent? Enfin, je veux dire, c'est quand on veut entamer des travaux, on le répète souvent, mais il y a panel de propositions de partout. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers AGB Rénovation? Bah, on démarche très peu chez les gens. C'est on ça. On a beaucoup d'appels entrants parce qu'on est beaucoup présent aussi sur les réseaux. C'est un peu la mode. On est beaucoup présent sur les réseaux et puis de gens qui nous recommandent. Hein, voilà tout. Il y a beaucoup de recommandations. Comme Triangle, par exemple. Oui, tout à fait. On est amené parfois. Bah, l'idée, c'est entre artisans de toujours se recommander. Donc on a toujours dans notre poche la carte de visite d'une personne qui fait de l'isolation, d'un maçon, d'un électricien. Quelqu'un qui fait de la PAC, de la pompe à chaleur. Ouais, c'est ça. Important. Ouais. Nos clients cherchent aussi, avec ce panel, hein, aussi bien de bons comme de moins bons, à avoir des recommandations sûres, des gens de confiance. Et c'est aussi là qu'est notre rôle en tant qu'artisan et de référent auprès de nos clients. Alors Stéphane, vous êtes dans le concret, c'est-à-dire que c'est vraiment les travaux. Ouais, tout à fait. Le financement de ces travaux-là, vous aidez également? Pas pour la réno globale, mais pour MaPrimeRénov' en monogeste. On est mandataire MaPrimeRénov', donc c'est nous qui assumons les primes. On est payé par les primes, on les déduit aux clients directement, donc ça là-dessus, ils n'ont rien à avancer. Et après, on les aide à faire des prêts à taux zéro avec leurs banquiers, etc. Enfin, il y a plein de structures qui se mettent en place. Entre le moment où je viens vous voir, Stéphane, et j'ai un projet, il peut démarrer combien de temps après, vu toutes les démarches qu'il y a Déjà, il faut qu'on attende la validation de la prime rénov. Donc, généralement, ça met entre deux et trois mois. Ça dépend du dossier, ça dépend du monde qu'il y a en file d'attente. Et puis après, se passe souvent le restendu. Les gens font appel à un prêt à taux zéro. Toutes les banques sont habilitées à le faire, même si il y en a qui rechignent un petit peu parce que c'est un peu de dossier à faire. Mmh. Et du coup, c'est souvent le restendu, en fait. Donc, ça se passe entre 5 et 6 mois. On est dans ces délais-là, à peu près. Entre vraiment le début du dossier, la validation et puis la pause, quoi. Par contre, nous, c'est vrai qu'on le voit, parce que souvent, quand on est amené à parler d'un projet photovoltaïque, on fait quand même le point sur les rénovations qui ont pu être apportées, voir si justement les consommations changent par rapport à celles qu'on peut constater pour bien dimensionner notre système. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les clients qui bossent avec des entreprises comme AGB Rénovation, ce qu'ils nous font remonter, c'est que le vrai confort pour eux, c'est tout ce montant-là qu'ils n'ont pas avancé. Parce qu'en fait, réellement, le poids de l'avance du montant des travaux, c'est relativement important et c'est porté par l'entreprise. Alors c'est déjà un gage de confiance et le client il n'a pas avancé toute cette somme là et pour eux c'est vrai que c'est transparent, pour l'entreprise moins parce que c'est énormément d'organisation, mais ça permet au client d'avoir du clé en main. Et nous on le voit aujourd'hui, peu importe quel artisan se déplace chez un de nos clients, ce que les clients attendent aujourd'hui c'est du clé en main et de pas s'occuper de toutes ces démarches d'avancer les fonds, reprendre, c'est assez lourd. C'est ça. Et tellement lourd que beaucoup d'entreprises se sont un peu retournées contre le gouvernement en disant maintenant MaPrimeRénov' nous fait signer un papier comme quoi on a assez de trésor entre guillemets pour pallier à ces avances, parce que je pense que ça a mis en difficulté. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement vous avez beaucoup d'avances de trésorerie puisque vous avez un décalage de rentrée d'argent finalement de 6 mois. En réno global, on a sur des, moi j'ai des réno global qui ont été faites en septembre et on n'a toujours pas les règlements. Donc il y a quand même du décalage et ça fait partie du jeu. C'est aussi l'appui qu'on a. C'est pour ça que les gens viennent nous voir aussi. Ça fait partie commercialement de pouvoir faire ça, en fait, et de les accompagner, quoi. C'est l'artisanat 2.0. C'est ça. On fait plus seulement très bien son métier de plaquiste. On essaye d'apporter d'autres choses. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que les gens nous appellent beaucoup. C'est beaucoup sur recommandation. On est aussi partenaire avec tous les Leroy Merlin de la région Grand Ouest, où on travaille avec eux pour l'isolation par l'extérieur, pour le placo, enfin pour tout. Donc ça permet, c'est un gage aussi de sérénité. Quoi. D'un point de vue esthétique, l'isolation par l'extérieur, des fois on se dit « ouais, mais ça va pas être beau ». Non, c'est, on voit pas la différence, faut aller, pas creuser, mais je veux dire, faut aller toucher un petit peu pour voir vraiment que c'est de l'isolation par l'extérieur. Et ça permet de pas perdre 2 mètres carrés quand vous isolez par l'intérieur, il y a ça aussi. Et je regardais, d'ailleurs, j'étais assez étonné, hier, je regardais une émission, et ils expliquaient que c'était un couple qui isolait par l'intérieur, ils ont perdu 11 mètres carrés. Bien sûr. Oh, Donc, ah, ouais, je pensais pas que c'était autant, mais 20 cm quasiment par l'intérieur. Sur toute la maison, on est sur entre 5 et 10 mètres carrés par, à une valeur de, je sais pas, 3-4 000 euros du mètre carré. Bah, ouais, ça, s'ils n'ont pas une grande pièce centrale, mais plusieurs petites pièces, ça va très très vite. Ouais, mais dans notre département, dans les petites communes à 500 euros du mètre carré, dans les communes un peu plus importantes à 3-4 000 euros. On en fait de plus en plus dans Tour-Centre. Bon, à savoir, des fois, les bâtiments de France ne nous valident pas toujours, parce qu'ils sont assez... donc là, on n'a pas le choix, ils sont obligés de faire par l'intérieur. Mais sinon, oui, ils gagnent en mètre carré, ça c'est sûr. On parle d'une fois qu'on a la maison, évidemment, mais si j'envisage d'acheter une maison, que le DPE n'est pas terrible, est-ce que vous êtes capable de me dire, c'est une bonne affaire, et derrière, les travaux de rénovation vont à peu près coûter tant, ou alors, oulala, non, là, ça va être un gouffre... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir un diagnostic post-achat, pré-achat? Avant de signer un compromis, la personne va sur notre site internet, comme tout à l'heure je disais, il rentre l'adresse, et en fait, il y a marqué toute la composition de la maison actuelle, le DPE, et les travaux à effectuer, il a la valeur des travaux avec les aides par rapport à ses revenus. Et puis voilà, il a juste ça à faire et ça lui coûte zéro, quoi. Ah, mais c'est vrai que le site, dans ce cas-là, il a quand même une vraie valeur ajoutée. Ah, parce ouais, c'est clair. On est quand même très nombreux au moment d'acheter une maison. À se poser ces questions-là, bien sûr. Ouais, mais si je fais les travaux, alors en plus, il faut se positionner parfois un peu rapidement. On se dit, mais en fait, on va sur votre site internet et directement, on a un ordre d'idée qui est quand même relativement proche de se dire, j'en ai soit pour 15 000 euros, soit pour 80 000 euros. Et auquel cas, bah, je fais ou non une bonne affaire. Et les aides qui sont allouées, quoi. Même sans avoir besoin de commencer à s'engager pour obtenir le DPE papier, entre guillemets, on peut déjà avoir beaucoup d'informations. Exactement. Et à noter que dans le DPE aujourd'hui, il y a aussi les conseils, hein, il me semble, de savoir ce qu'il y a à faire pour améliorer l'habitat directement. Beaucoup d'agents immobiliers qu'on connaît dans la Touraine utilisent notre site internet directement. Ça nous évite de nous déplacer, parce qu'on sait ce qu'il y a à faire tout de suite. Et puis après, quand on va plus loin, pas de souci, on se déplace, on fait un devis, etc. Mais déjà, ça leur fait une approche, ça leur évite de faire venir des artisans. On a sur ce site-là, et pour les agents immobiliers spécialement, on a créé une application où là, ils vont plus loin, ils prennent un peu les métrés, etc. Et ça leur donne des devis avec nos tarifs, pour éviter de, à chaque fois, prendre rendez-vous avec l'électricien, avec le ça nous dit même si le proprio est sympa ou ouais, pas. Ouais, peut-être, ça, je sais si pas, faut qu'ils mettent des bonnes notes sur le... On peut rappeler l'adresse de ce site? Oui, c'est ça, www.agbrénovation37.fr. Très bien. Et nous sommes situés à Montlouis-sur-Loire. Juste une petite chose pour les 10 ans d'AGB, c'est vrai que je ne l'ai pas allué, juste en voulant dire que ma prime rénov' en monogeste pour l'isolation extérieure s'arrêtait au 31-12-2025, celle-là ils la remettront pas, ça sera dans la réno globale. Nous, on a, dans notre 10e anniversaire, on a mis un budget com où on devait faire pas mal d'animations. Ce budget-là, on l'a mis en place pour faire une réduction complète sur l'isolation par l'extérieur en monogeste, pour ceux qui viendront nous voir. Oh. Et on leur redonne l'équivalent, sans condition de ressource, l'équivalent de 6 000 euros sur une maison complètement rénovée, en fait. Ce que donnait ma prime rénov'. Et donc, du coup, on a été voir... Alors, j'ai des partenaires, PRV, Loire Décor, qui ont joué le jeu. Et en fait, on a réduit... je les ai pas sortis du chapeau. On a vraiment réduit sur toutes les structures. Mmh. On va essayer de monopoliser 4-5 maisons au même endroit. C'est pour ça qu'il y aura un petit délai d'attente. Mais là-dessus, on peut économiser 10-15 euros du mètre carré. Et ça permet de donner 6 000 euros sur une maison complète, en fait. C'est beau, ça veut dire chouette, que vous avez pris le temps de construire une offre pour que ça soit pas sorti du chapeau, parce que exactement. Sinon, c'est vrai qu'on a souvent cette idée de dire, bah, quand il y a des aides, des entreprises vendent beaucoup plus cher, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Tout et donc fait. Vous êtes creusé la tête pour vous dire, bah, je vais faire bosser mes fournisseurs de matériaux jusqu'à vous l'entreprise, faire un effort, optimiser pour qu'au final le gagnant, ça soit le client final. Exactement. C'est beau. Sur 3 mois, on va pas faire ça toute l'année, mais sur 3 mois et puis. Puis ça sera, on a à peu près dans le budget, on a quasi 20 000 mètres carrés en fait à donner aux clients. Donc joyeux anniversaire à AGB alors. AGB, bravo. Joyeux anniversaire à AGB. Pour ce geste solidaire. Il nous met la pression pour l'anniversaire Triangle de Conso. Ouais. Et puis une super offre pour les 10 ans, c'est génial. Ouais, c'est ça. Et puis ça permet aussi de la réduction de. Alors on a pensé aux gens qui isolent leur maison, mais aussi à tous nos salariés aussi, parce que dans le sens où quand s'arrête ce droit-là au 31-12-2025. Moi, j'ai 12-13 équipes. Peut-être que j'en avais plus que 9 parce qu'on ne fait que sur ma prime réno, que sur la réno globale. Donc, ça permet aussi de conserver des emplois. Et avant ça, c'était 6 000 euros, peu importe le revenu, avec ma prime réno. Alors, c'était divisé en 3. C'était pour les plus hauts revenus, 4 500 euros. Les médians, c'était 6 000 euros et 7 000 euros pour les très précaires. Et donc, nous, on a fait une cote mal taillée, une règle de 3, et on a pris les 6 000 euros. Et ceux qui n'avaient pas le droit, maintenant, ils ont droit, en fait. Ouais, c'est chouette. Mmh. Ah, c'est chouette. Et puis, c'est bien d'évoquer le très précaire, parce qu'on se dit souvent, et malgré l'info qu'on peut communiquer, on se dit souvent que ce n'est pas accessible, ce genre de choses. Alors que si, parce qu'ils considèrent très précaire, c'est quand même... Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je veux dire, c'est deux personnes qui travaillent. Hein, au SMIG, Oui, aujourd'hui, la précarité a une définition qui a quand même évolué. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci à tous les trois. Merci, nos partenaires de Triangle Auto Conso, à Teddy et Julien, pour votre présence et votre éclairage. Merci à toi. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci Stéphane. De cette présence aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique auto-conso, toujours avec nos partenaires, et pour continuer à décrypter les solutions énergétiques d'aujourd'hui et de demain. On a déjà une idée, les garçons, de votre prochaine thématique, ou c'est une surprise? Ça sera une surprise. Très bien. Et ben, on se quitte en musique, et au mois prochain. Merci. Au mois prochain.